Alors, encore une fois, comment direz-vous « Si je l'avais su, je l'aurais fait. » Si j'avais... Si hubiera... Su... Sabido... C'est ça. Alors, si je l'avais su... Si lo hubiera sabido... D'accord. Hein? Si lo hubiera sabido, je l'aurais fait. Lo habría hecho. D'accord. Hein? Lo habría hecho. Et, au lieu de « habría », vous pouvez aussi employer la forme de subjonctif que vous venez d'employer hein, et dire « lo hubiera ». Bien. Hein? Donc, « je l'aurais fait », ça donnerait « lo hubiera hecho ». D'accord. Hein? « Lo hubiera hecho ». Donc, vous pouvez dire soit « lo habría hecho », soit « lo hubiera hecho hein? ». Et même hein, si vous-même ne dites pas « lo hubiera hecho », il est important de le comprendre, hein, si quelqu'un l'emploie. Et maintenant, comment direz-vous « je n'aurais pas pu le faire »?« J'aurais pu », ça sera ?« Habría ». Pourquoi est-ce que vous ne le dites pas un peu plus clairement hein, parce que je ne comprends pas « habría ». D'accord, alors... Tout simplement parce que « habría », ça n'existe pas. Hein. Oui, « habría ».« Habría », là c'est clair. Hein. « Habría hein. », là... J'entends clairement « rien ». Et donc, j'identifie le conditionnel. Donc, « j'aurais pu le faire », ça sera... Alors, « j'aurais », encore une fois. « Habría ». Et maintenant, « pu ». Là, il vous faut plonger. Quel est le verbe ?« Poder ».« Poder », qui donne ?« Podido ». D'accord. « Podido ». Le faire ?« Hacerlo ».« Hacerlo hein? ». Donc... No habría podido hacerlo. Je n'aurais pas pu le faire.